Chapitre 47e. Elinor resta encore quelques moments au salon après que Willoughby l'eût quittée, oppressée par une foule d'idées différentes les unes des autres, qui se succédaient rapidement, mais dont le résultat général était une profonde tristesse. Ce Willoughby, qu'elle regardait, il n'y avait pas une heure, comme le plus indigne des hommes, qu'elle abhorrait, qu'elle méprisait, excitait en elle, en dépit de tous ses torts, un degré de commisération, d'intérêt pour ses souffrances, qui allait dans ses premiers moments jusqu'à lui faire éprouver une espèce de tendre regret de ce qu'il était actuellement séparé pour toujours de leur famille, et que sans doute elle ne le reverrait plus. Surprise elle-même de l'influence qu'il exerçait sur son esprit, elle voulut l'analyser, et trouva que c'était un sentiment tout à fait involontaire, qui tenait à des circonstances indépendantes de son mérite, et qui se trouvait avoir peu de poids au tribunal de la raison. C'était d'abord les attraits de son charmant extérieur, de cette physionomie agréable, aimable, de sa manière franche, affectionnée, animée. Il n'y avait nul mérite à lui d'être ainsi. C'était ensuite son ardent amour pour Maria. Mais cet amour n'était plus innocent et devenait un tort de plus. Elle se disait tout cela, sans que l'intérêt qu'il venait de lui inspirer fût diminué le moins du monde. Elle réfléchissait douloureusement au tort irréparable que ce jeune homme s'était fait à lui-même par l'habitude de l'indépendance, de la paresse, de la dissipation. La nature avait tout fait pour lui. Elle lui avait donné tous les avantages personnels, tous les talents, une disposition à la franchise, à l'honnêteté, un cœur sensible. Et le monde et les mauvais exemples avaient tout corrompu. Chaque faute, en augmentant le mal, avait reçu sa punition au moment même. La vanité qui lui avait fait chercher un coupable triomphe aux dépens du bonheur de Maria l'avait entraîné dans un attachement réel et profond que ses torts précédents l'avaient obligé de sacrifier. Son libertinage avec Caroline l'avait privé de sa seule ressource de fortune. Son mariage, qui avait déchiré si cruellement le cœur de Maria, était pour lui une source de malheur qui ne lui laissait plus d'espoir. Il résulta de ce tableau que son intérêt augmenta pour un coupable déjà trop puni, sans l'être encore par la haine de ceux qu'il aimait si tendrement. Aussi son cœur n'en éprouva plus pour lui. Elle alla auprès de sa sœur. Celle-ci venait de se réveiller d'un doux et long sommeil qui confirma toutes ses espérances. Elinor s'assit à côté d'elle en silence. Son cœur était plein. Le passé, le présent, l'avenir, la visite de Willoughby, l'attente de sa mère, tout ensemble lui donnait une telle agitation que son pouls était sûrement plus élevé que celui de la malade et qu'elle craignait de se trahir si elle avait dit un seul mot. Heureusement que cette crainte ne fut pas longue. À peine une demi-heure s'était écoulée depuis le départ de Willoughby que le roulement d'un autre carrosse lui annonça l'arrivée des voyageurs. Elle vola au bas de l'escalier, heureuse de revoir sa mère et de pouvoir la rassurer. Elle arriva à la porte de la maison au moment où Madame Dashwood y entrait. Elle la reçut dans ses bras, et sa première parole, en serrant cette bonne mère sur son cœur, fut celle-ci. « Elle est sauvée. Elle est bien, aussi bien qu'elle puisse être. » Madame Dashwood s'était sentie si émue en approchant de la maison qu'elle avait cru que c'était un pressentiment qu'elle ne retrouverait plus sa fille chérie. Le passage subit de cette affreuse crainte à l'heureuse nouvelle qu'elle était hors de danger fut trop rapide pour ses sens. Elle tomba dans une demi-faiblesse sur l'épaule d'Elinor. Elle et leur amie la soutinrent et la portèrent jusqu'au salon. Là, assise à côté de sa fille aînée, elle retrouva ses sens. Mais incapable de parler, elle versa des torrents de larmes, embrassa plusieurs fois son Elinor, se tournait par intervalles vers le colonel Brandon, pressait sa main avec un regard qui lui disait son bonheur, sa reconnaissance et sa certitude qu'il partageait tout ce qu'elle éprouvait. Ah, sans doute il le partageait. Il ne parlait pas non plus, il ne l'aurait pas pu, mais tout en lui exprimait la joie la plus vive. Dès que Madame Dashwood put se soutenir, son premier désir fut de revoir Maria. Elinor demanda seulement la permission de l'annoncer sans autre préparation. Maria était assez bien pour n'en avoir pas besoin, et deux minutes après, la plus tendre des mères était assise sur le lit de son enfant bien-aimé, rendue plus chère encore par son absence, son malheur et son danger. Elinor jouissait avec délice de leur bonheur mutuel, mais en bonne et sévère garde, elle conjura Maria de se calmer et sa mère de ne pas trop exciter sa sensibilité. Madame Dashwood pouvait être calme et prudente quand il s'agissait de la vie de l'une de ses enfants, et Maria, contente de savoir sa mère auprès d'elle, se sentant elle-même trop faible pour parler, se soumit au silence prescrit par ses bonnes gardes. Madame Dashwood voulut absolument passer cette nuit à côté d'elle, et Elinor, qui ne s'était pas couchée les deux dernières nuits, consentit à obéir à sa maman et à se mettre au lit. Elle s'y reposa physiquement, mais ne dormit point. Ses esprits étaient trop agités. Willoughby, le pauvre Willoughby, comme elle se permettait de l'appeler, était constamment présent à sa pensée. Elle n'aurait pas voulu, pour le monde, avoir refusé d'entendre sa demi-justification. Tantôt elle se blâmait de l'avoir jugé trop sévèrement, et quelquefois s'accusait d'être à présent trop indulgente, mais sa promesse de le justifier auprès de Maria était invariablement pénible. Elle redoutait le moment où Maria apprendrait qu'il était moins coupable, et craignait que peut-être cet amour si passionné ne se ranimât avec plus de force. Elle doutait du moins qu'après cette explication, sa sœur pût jamais être heureuse avec un autre homme, et se surprenait alors à désirer que Willoughby redevint libre. Mais elle se rappelait aussi le bon, l'excellent colonel Brandon, et sentait ses souffrances plus que celles de son rival. La main de Maria devait être sa récompense. Elle savait, à n'en pas douter, qu'il serait pour elle le meilleur et le plus tendre des maris, et désirait alors tout autre chose que la mort de Madame Willoughby. Au moment où le colonel était arrivé à Barton-Chaumière, il avait trouvé Madame Dashwood prête à partir. Elle ne pouvait supporter plus longtemps son inquiétude et s'était décidée d'aller à Cleveland avec sa femme de chambre. Elle n'attendait que l'arrivée de Madame Carey, une de ses connaissances d'Exeter, qui voulait bien se charger d'Emma pendant son absence, sa mère n'osant pas l'amener avec elle à cause de la contagion. Mais l'arrivée du colonel et la lettre d'Elinor, en redoublant ses alarmes, la déterminèrent à partir tout de suite. Elle laissa Emma à sa femme de chambre de confiance, qui devait la remettre le lendemain à Madame Carey, et se mit en route avec le colonel. La bonne Madame Jennings fut enchantée de la trouver là, à son lever, et la combla de soins et d'amitié. Elle voulait lui conter tous les détails de la maladie de Maria, s'interrompait pour la conjurer d'aller se coucher, puis recommandait à Betty d'en avoir soin, etc., etc. Maria continua, de jour en jour, à se trouver mieux, et avec sa santé revint aussi graduellement la brillante gaieté de Madame Dashwood et tout le feu de son imagination. Elle disait et répétait souvent qu'elle était à présent la plus heureuse femme qu'il y eût au monde. Elinor ne put s'empêcher d'être intérieurement un peu surprise que sa mère ne regrettât point Edward, et ne parut pas même se le rappeler. Elinor lui avait écrit tout ce qui s'était passé, sans même lui cacher son chagrin de la perte de cette amie, dont elle se croyait si sûre. Mais elle en parlait avec la raison et la mesure qu'elle mettait à tout, et Madame Dashwood la prit au pied de la lettre, et jugea qu'elle n'était pas très affligée d'un événement dont elle parlait avec autant de calme. La maladie de sa fille favorite vint ensuite l'occuper exclusivement. Tout autre malheur ne lui parut rien auprès de celui de la perdre, et d'avoir à se reprocher d'en être la cause en ayant encouragé son malheureux attachement pour Willoughby. Aussi, le bonheur de son rétablissement effaçait toute autre pensée. Elle avait de plus un grand sujet de joie dont Elinor ne se doutait pas, et qu'elle lui apprit au premier moment où elles se trouvèrent en tête à tête. « Enfin nous voilà seuls, mon Elinor, et je puis vous parler de mon bonheur. Le colonel Brandon aime Maria, il me l'a dit lui-même. » Elinor garda le silence. Elle éprouvait à la fois plaisir et peine. Elle n'était pas surprise de la chose qu'elle savait depuis longtemps, mais elle l'était du moment que le colonel avait choisi pour cet aveu. « Si je ne savais pas, chère Elinor, que nous voyons rarement de même, je m'étonnerais du calme avec lequel vous m'écoutez. Quant à moi, cet attachement me transporte de joie. Le plus grand bonheur que j'aurais pu désirer dans ma famille, c'eût été que le colonel Brandon épousât l'une de mes filles. Je crois, par conséquent, qu'avec ce digne homme, Maria sera la plus heureuse des femmes. Je désire votre bonheur autant que le sien, mon Elinor, mais le colonel lui convient beaucoup plus qu'à vous. » Elinor fut sur le point de demander raison à sa mère de cette singulière façon de penser. La différence d'âge était plus grande. Leur caractère, leurs sentiments n'avaient aucun rapport. Mais elle-même était charmée que Madame Dashwood ne vit pas ces obstacles. Elle savait que son imagination l'entraînait toujours à ne considérer que les beaux côtés de ce qu'elle désirait. Elle se contenta donc de sourire. Madame Dashwood n'y vit aucune approbation et continua son intéressante confidence. « Il m'a ouvert entièrement, dit-elle, son cœur pendant notre voyage. Cet aveu n'était ni prémédité ni prévu d'avance. Il échappa à un cœur trop plein de sa passion pour pouvoir la dissimuler. De mon côté, comme vous pouvez le croire, je ne parlais toujours que de mon pauvre enfant que je voyais sans espérance. Il ne pouvait me cacher son inquiétude qui, je le vis bien, égalait la mienne. Je le lui dis. Et pensant que la simple amitié ne pouvait pas faire naître une aussi vive sympathie, je prononçai le mot « amour ». Quand vous auriez, lui dis-je, l'amour le plus passionné pour ma pauvre fille, vous ne seriez pas plus affligé. Alors, Elinor, il ne put se contenir et me fit connaître en entier son sentiment pour Maria, si tendre, si vif, si constant. Il l'a aimée, mon Elinor, dès le premier instant où il l'a vue. Oh, si vous l'aviez entendu me peindre la force de cette impression, vous en auriez aussi été touché. Elinor sourit encore en baisant la main de sa mère. Elle ne reconnaissait dans cette description romanesque de l'amour du colonel ni son langage, ni sa manière, mais bien les embellissements de l'active imagination de Madame Dashwood qui colorait tous les objets pour elle. « Son attachement pour Maria, continua-t-elle, surpasse infiniment tout ce que jamais Willoughby a senti ou feint de sentir. Il est plus ardent, plus sincère, plus constant. Il a subsisté dans toute sa force, malgré la malheureuse passion de Maria pour cet indigne jeune homme, sans le moindre égoïsme, sans le moindre espoir. Tous les désirs du colonel se bornaient à la voir heureuse, même avec un autre. Que de noblesse, que de délicatesse, que de sincérité. Ah non, lui n'est pas un trompeur, ses paroles sont la vérité même. » « Le caractère du colonel Brandon, dit Elinor, est généralement connu et estimé. C'est un excellent homme. » « Je le sais, reprit Madame Dashwood très sérieusement, et cela m'aurait suffi pour encourager son affection, pour en être charmé. Mais ce qu'il vient de faire, cet empressement de venir me chercher, l'amitié qu'il m'a témoignée, la confiance qu'il a eue en moi, sont assez pour me prouver qu'il est le meilleur des hommes. Ce n'est pas seulement, chère maman, cet acte de bonté où la simple humanité et son attachement pour Maria devaient le porter naturellement, qui doit décider de son caractère. Mais ses anciens amis, Madame Jennings, les Middleton, les Palmer l'aiment et le respectent également. Et moi-même, quoique je le connaisse depuis moins de temps, j'ai une si haute opinion de lui que si Maria peut être heureuse avec lui, je pense comme vous que ce serait le plus grand des bonheurs pour nous. Quelle réponse avez-vous faite? Lui avez-vous donné quelque espoir? Oh, ma chère enfant, je ne pouvais pas alors prononcer ce mot, je croyais Maria mourante. Lui-même n'osait demander ni espoir ni encouragement. Ce n'était pas une demande de ma fille, mais une confidence involontaire, une effusion de douleur et de sympathie. Nous pleurâmes ensemble. Je lui dis que mon sentiment ajouterait à mon malheur si j'étais destiné à celui de perdre ma fille, que je la regretterais pour lui et pour moi. Je ne savais d'abord ce que je disais. Tant d'affliction, tant de surprise. J'étais tout à fait troublé, mais après quelque temps, je lui dis que si Maria vivait, ce que j'osais encore espérer, le plus grand bonheur de ma vie serait de la lui donner. Et depuis notre arrivée, depuis que nous avons repris une délicieuse sécurité, je l'ai répété plus clairement et je lui ai donné tous les encouragements qui étaient en mon pouvoir. Le temps, il ne sera pas long, et je dis, amènera tout à bien. Le cœur de Maria ne peut pas appartenir longtemps à un homme tel que Willoughby, et votre propre mérite doit vous rassurer. Assurément, il doit être tranquille sur vos intentions, dit Elinor, mais cependant il ne me paraît pas content comme il devrait l'être. Non, il est si modeste, il a tant de défiance de lui-même, reprit Madame Dashwood. Il croit que Maria est engagée trop profondément pour retrouver de bien longtemps la liberté de faire un autre choix, et même, dans ce cas, il ne peut s'imaginer que ce serait lui. Il parle de la différence de leurs âges et de leurs dispositions, mais il se trompe tout à fait. Son âge est précisément celui qui convient à un mari qui doit être le guide et le protecteur de sa compagne. Son caractère, ses principes sont fixés. Il n'y a aucun changement à craindre, et quant à ses dispositions, elles sont précisément celles qui peuvent rendre votre sœur heureuse. Il calmera son imagination, quelquefois trop ardente. Il rétablira la paix dans son cœur, ses manières, sa personne, tout est en sa faveur. Ma partialité pour lui ne m'aveugle point. Il n'est certainement pas aussi beau que Willoughby, mais à mon avis, il a quelque chose de plus agréable, de plus franc, de plus mâle. Ne vous rappelez-vous pas qu'il y avait quelque chose dans les yeux de Willoughby que je n'aimais point ? Elinor ne put se le rappeler. Madame Dashwood oubliait qu'elle avait dit souvent devant Maria que Willoughby avait dans le regard quelque chose d'irrésistible. Elle ne le dit pas à sa mère, qui continua. « Et quant à ses manières, vous ne me nierez pas, Elinor, qu'elle ne soit beaucoup plus faite pour attacher Maria. Cette simplicité naturelle, ce fond de bonnes études, et même cette espèce de mélancolie dans ses propos, dans son attitude, s'accordent mieux avec les dispositions réelles de votre sœur que la vivacité, la gaieté souvent assez mal placée de Willoughby. Je suis persuadé à présent que si Willoughby avait été constant et qu'il eût épousé Maria, elle n'aurait jamais été aussi heureuse avec lui qu'avec le colonel Brandon. » Elle s'arrêta. Elinor ne voulut pas convenir avec elle de ce dernier point, pas du moins en entier. Il lui semblait que le cœur de Maria avait besoin d'amour, mais Madame Dashwood s'abandonnait toujours à ses nouvelles espérances. Le colonel était son héros du moment, et elle l'assura à sa fille que, feu son cher Henri excepté, elle n'avait jamais vu d'homme plus à son gré. « De Lafort, dit-elle, n'est pas à une très grande distance de Barton, supposé que nous y restions. Mais vraisemblablement, nous serons plus près encore de notre Maria. On dit que c'est un grand village. Il se trouvera facilement quelques jolies petites maisons près du château qui conviennent tout aussi bien à notre situation. » Pauvre Elinor, voilà donc un nouveau plan pour l'amener à De Lafort, à côté d'Edward et de Lucie. Elle soupira profondément et garda le silence. « Quant à la fortune aussi, » continua Madame Dashwood, sans faire attention au soupir de sa fille aînée et ne songeant qu'à son projet de mariage pour sa favorite, « à mon âge, on y pense un peu, et quoique je ne connaisse pas exactement celle du colonel, je crois qu'elle est très honnête. » Ici, elles furent interrompues par Madame Jennings, qui, de son côté, pensait, sans le dire, que le colonel ne tarderait pas à épouser Elinor. Cette dernière sortira, alla rêver au bon succès de son amie auprès de sa mère, ne pouvant cependant s'empêcher de regretter et de plaindre Willoughby.